طيب بسم الله الرحمن الرحيم ونتجون من الحديث الصحيح اوكي الحديث الصحيح qui c'est qui peut nous résumer en quelques mots qu'est-ce qu'on appelle le hadith sahih comme ça a été cité dans le Baïkhouni هو ما اتصل اسناده ولم يشد او يعل يرويها عدل ضابط عن مثله واعتمد في ضبطه ونقله نعم احسنت الله يبارك يا اخي الله يبارك فيك طيب وكما يبكي بشير الحديث صحيح سي الحديث Donc, la chaîne de transmission est bel et bien liée et que chaque rapporteur qui se trouve dans cette chaîne de transmission, il est qualifié de adl, de confiance et aussi tam dhabt, on l'a qualifié, c'est-à-dire il a une excellente mémorisation. Tamam. Lorsqu'on dit que la personne, elle a une excellente mémorisation, ça veut dire elle n'oublie pas ? L'imam Ahmed ou l'imam Malik, ils ont été qualifiés comme étant thiqatun thiqa, thiqatun imam, hujja, sheikh l'islam, أمير المؤمنين في الحديث أو غير ذلك. طيب، ça veut dire que quand ils apprennent le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, ils ne l'oublient pas. هكذا يا بشير؟ نعم. ils ne l'oublient pas. نعم. طيب، فاعلموا يا إخوة أن النسيان من طبيعة البشر ولا يسلم منها Le fait d'oublier, c'est une chose qui est propre à l'être humain. C'est une chose qui est propre à l'être humain. Ça veut dire, même le plus grand des hafiz, il se peut qu'il soit pris d'oubli. Il se peut qu'il soit pris d'oubli. Taïb, ça veut dire qu'en vérité, quand vous avez le mot tam dhabt, la tam dhabt, d'une mémorisation implacable ou irréprochable, ça veut dire qu'en vérité, lui, lorsqu'il a appris le hadith, il n'était pas distrait. Il a appris le hadith. Il n'était pas distrait et il est capable de le redonner sans être distrait et comme il l'a entendu. Tamam ? Lorsqu'on lui demande. Mafou ? Ça ne veut pas dire qu'il ne l'oublie pas. Et... Non, mais si on vient, on lui demande, il est capable d'évoquer le hadith comme il l'a entendu. T'as-t-il ? Soit parce qu'il révise souvent, ou soit parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné une capacité azim. Mais ça ne veut pas dire que ce hafiz, il n'oublie pas. Non, mais ça veut dire que lui, quand il vient dans son dars, et qu'il enseigne aux élèves, là, il est capable d'évoquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a entendu de son shir, de la meilleure des manières. T'as-y? Contrairement à si, par exemple, il est avec sa femme, s'il est avec ses enfants, il se peut qu'il oublie. Mais lorsqu'on va lui demander dans une assise de science, oui, quels sont les hadiths que tu as entendus de ton shir, là, il est capable de les sortir, de les évoquer, sans se tromper. طيب اظن شفنا كل هذه الوكيسه طيب وكذلك الضبط et lorsqu'on dit quand on qualifie une personne qu'elle a une bonne mémorisation est-ce que celui il a pas une bonne mémorisation lui c'est juste il entendait le hadith du prophète ou du compagnon et l'écrivait sur un cahier. Il écrit sur un cahier. Et personne touche à son cahier. C'est lui, il le protège. Est-ce que lui, on dit, il fait partie de Tam Matbapt? Hein? Naam, ya Asma. Naam. C'est Abdallah ibn Amr. Abdallah ibn Amr qui écrivait le hadith. Donc lui, on dit qu'il fait partie, on dit qu'il fait partie de ceux qui mémorisent. Ça veut dire que la mémorisation, en vérité, c'est soit par la mémoire, ou soit par l'écrit. Ou soit par l'écrit. La personne, elle écrit le hadith sur un cahier. Et après, elle protège ce cahier. Elle protège ce cahier contre la pluie. Elle protège ce cahier contre les intempéries du temps. Et elle protège son cahier ou ses écrits contre toute modification. Celui qui est comme ça, lui, on l'appelle aussi Tam Abbat. Même s'il ne retient pas le hadith dans sa tête. Du moment qu'il l'a dans son livre et qu'il a protégé son livre, alors il rentre aussi dans Tam Abbat. Tamam. Ala kulli hal, c'était quelques fois en rapide. Non, c'est le même niveau. C'est le même niveau. L'important, c'est quoi? L'important, c'est le hadith, c'est ce qui ramène. Le chat, en fait, c'est le... Voilà, c'est la condition. Que, voilà, il est sûr, on est sûr de ce qu'il rapporte. Ça va? Non. Ouais, là, on a... Subhanakallah, on a...